بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue inshallah la septième partie de sourate Yusuf. S'arrêter lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné selon le sens des versets, verset 80 au verset 83, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien, nous serions alors vraiment injustes. Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, hein, là on se souvient que Yusuf alayhi salat wa salam, ses frères sont venus et Yusuf alayhi salat wa salam s'est a fait en sorte de garder Benyamin auprès de lui, hein, en faisant croire, lorsqu'il a pris une coupe, et il l'a mis dans les affaires de Benyamin. Et il a dit, on le garde. On garde celui-ci, puisque c'est dans ses affaires qu'on a trouvé la coupe. On avait bien mentionné qu'en aucun cas, et à aucun moment, Yusuf alayhissalam n'a mentionné le terme volé avec son frère, puisque c'est lui-même qui a mis la coupe dans ses affaires. Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir, en parlant des frères de Yusuf, de ramener Benyamin, Benyamin le petit frère de Yusuf, ils se concertèrent en secret. Et le plus grand dit ainsi, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois? Et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Yusuf? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés, nous disons réellement la vérité. Alors Yaqub dit, alayhi salam, vos âmes plutôt vous inspirent d'entreprendre quelque chose. Oh, quelle belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. Tayyib. Qala kabiruhum. Ici, c'est le plus grand des frères qui rappelle à ses petits frères le pacte qu'ils ont fait avec Yaqub alayhi salat wa salam. C'est bien la preuve qu'il est demandé au plus grand de la famille, parmi les enfants, de rappeler le bien aux plus petits membres de la famille. Quand en absence du père, la responsabilité revient au plus grand de prendre soin des plus petits, d'ordonner le bien, et d'interdire le mal. Ils se doivent d'interdire le mal. Lorsque quelqu'un détient une autorité et qu'il la laisse à celui d'en dessous, en son absence, les autres se doivent d'obéir à celui à qui l'autorité revient. Pourquoi? Parce qu'il prend la place de l'émir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من أطع الإمير أطعني ومن أطعني أطع الله. Celui qui a obéi à l'émir m'a obéi. Le prophète sallam dit, celui qui a obéi à l'émir, celui qui détient le commandement, il m'a obéi. Celui qui m'a obéi a obéi à Allah. ومن عصى الإمير عصاني ومن عصاني عصى الله جل وعلا. Celui qui a désobéi à l'émir m'a désobéi. Celui qui m'a désobéi a désobéi à Allah. Hatta fi safar. Même dans le voyage. Il est demandé dans la sunna, lorsque l'on voyage, de mettre un émir à la tête du groupe. C'est lui qui prendra les grandes décisions. C'est lui qui prendra les grandes décisions. Mais il est demandé aux gens du groupe de lui obéir. Bien sûr, de lui obéir dans le raisonnable et dans tout ce qui est les grandes décisions. Hein? Après, comme il dit Charles Othémine, tu ne vas pas lui faire les lacets de ses chaussures non plus. C'est-à-dire que tu restes dans le juste milieu. Hein? Il prendra les grandes décisions, c'est lui qui dit on part tel jour, on ira tel jour à tel lieu, etc., etc. Et on se doit de lui obéir. Il faut toujours un commandement. Un groupe qui n'a pas quelqu'un à sa tête, chacun va faire ce qu'il veut et après on va trouver les mille et une fitna, c'est-à-dire les mille et un problèmes. Hein, il y aura le fitna, il y aura la discorde. Pourquoi? Parce que chacun va vouloir faire quoi que ce soit. Comme il a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, il vaut mieux mille nuits avec un gouverneur zalim, injuste, qu'une nuit sans gouverneur. Il vaut mieux mille nuits avec un gouverneur injuste qu'une nuit sans gouverneur. Laisse un pays sans autorité. Tout le monde va régler ses comptes. Hein, il y aura le fitna, le qital. Hein, il y aura des meurtres, il y aura le fitna, le sang va se verser. Il y aura les mille et un péchés. Il n'y a plus d'autorité. Donc il appartient à chaque groupe d'avoir quelqu'un à sa tête, une autorité. Fil masajid, al-aimma. Fil bilad, al-hakim. Ou al-malik. Dans une mosquée, l'imam, l'autorité de la mosquée. Dans une maison, le père de famille, l'autorité dans la maison. Dans un pays, le roi ou le président est l'autorité du pays. Dans une entreprise, le directeur est l'autorité de cette entreprise. Et il veille à ce que tout soit fait correctement et dans les règles. Quant à toi-même, tout seul, tu es ta propre autorité. À la nefsik. Donc ici, le plus grand leur rappelle qu'ils se doivent de respecter le pacte qu'ils ont fait avec leur père Yaqub, alayhi salatu wassalam. Alors, il aurait recommandé de retourner auprès de leur père. Yurdi'u ila abikum. Et dites-lui, فَقُولُوا يَا أَبَانَا. Et dites-lui, ô notre père, إِنَّ بْنَكَ سَرَقَ. Dites-lui, ton fils a volé. طيب. Et afin de ne pas croire, hein, afin que Yaqub ne croive pas qu'ils ont encore, ils se sont encore débarrassés de Benyamin comme ils se sont débarrassés de Youssouf, alayhi salatu wassalam, ici, ils lui disent bien, va interroger, interroge ceux avec qui nous sommes venus, va interroger là où nous sommes partis, hein, et tu verras que nous n'avons pas menti, et c'est-à-dire que nous n'avons pas fait comme la première fois. Wa inna la sadiqoun, et nous sommes parmi les véridiques, as-sidq. As-sidq, c'est le fait d'être véridique dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais. Il n'y a pas que bil-lisan. As-sidq ou bil-amal. Bil-amal ou salih. As-sidq, le fait d'être véridique, c'est aussi par les actions. Man yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ya'budu al-amwat. Quelqu'un est témoin de la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Mais il adore des morts. Il invoque des morts. Est-ce que c'est sidq? C'est pas sidq, ça. C'est pas de la, il n'est pas véridique dans ses actions. Et il n'est pas véridique dans sa shahada. Pourquoi? Ya'budun al-amwat. Parce qu'ils adorent des morts. Ils invoquent des morts. Ils égorgent des bêtes pour des morts. Ils font des vœux à des morts. Lil-amwat. Al-kadib. Ça, c'est du mensonge. Wal-kadib. يخالف الواقع. Al-kadib, c'est quoi? C'est ce qui contredit la réalité. Eux, ils contredisent la réalité de la ilaha illallah. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله هو يعبد الله جل وعلا بالتوحيد بدون شرك وبالكتاب والسنة بشريعة الله عز وجل، ولا يعبد الله بالشرك ولا يعبد الله بالبدع ولا بالمحدثات إلا بالكتاب والسنة. من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعبد الله بالخرافات أو بالبدع، كذب، c'est du mensonge. Il témoigne de Mohammed Rasulullah, mais il adore Allah par autre chose que ce que le prophète sallam est venu avec comme révélation. Il adore Allah avec des légendes et des histoires magiques, comme on dit, des histoires inventées. Il adore Allah avec des innovations sur lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. طيب. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل. C'est la deuxième fois il l'a dit à l'époque, au moment où il a perdu Youssouf عليه الصلاة والسلام. Cette fois-ci il perd Benjamin et il dit quoi? صبر جميل. Encore une fois il rappelle الصبر, la patience et l'endurance. Mais الصبر في الابتلاء أقسم الناس أربعة في الابتلاء وفي الامتحان. Dans les épreuves, les gens se divisent en quatre. Il y a celui qui est pris de colère. وهو يسب يسب الله ويسب الناس والعياذ بالله. Tellement il est en colère de l'épreuve qu'il a été touché, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il insulte les gens. Apparemment les gens n'entendent pas bien. Ou bien il insulte les gens. Il est pris de la colère au point d'insulter. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ. Celui-ci c'est le pire des gens lorsqu'il est touché par une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا عنده حاجة في القلب لكن لا يقول شيئا. Quelqu'un il a quelque chose dans le cœur, il ressent une gêne dans le cœur à cause de cette épreuve, mais ça sort pas par sa bouche, il dit rien. لا بأس. Il y a pas de mal à ça. C'est un être humain, il a quelque chose qui le gêne, une épreuve, un souci. Il n'y a pas de mal à ça, ce qu'il est quelque chose, il ressent quelque chose dans le qalb. Thalithan, troisièmement, non, on est parti du pire au meilleur. Huwa yashkur Allah azza wa jal. Il remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Il est touché par une épreuve, mais il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabi'an, wa yarda. Il est satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a touché comme épreuve. وهم السلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم والعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui ont la foi à leur maximum, الرسول عليهم الصلاة والسلام أفضل من الناس. Ils remercient Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont satisfaits de ce qu'Allah a décrété. Il n'y a aucune crainte, ni dans le cœur, ni par la langue. Et la patience, c'est ça. Comme cette femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vue auprès d'une tombe, cette femme-là, elle pleurait beaucoup, elle se plaignait. Pourquoi? Parce que son fils était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de patienter. Et sans savoir c'était qui, elle lui a dit, tu ne sais pas ce par quoi j'ai été touché. Le prophète sallam il n'a rien dit, il est parti. Puis après on l'a informé que c'était le prophète sallam. Alors elle est retournée voir le prophète sallam pour s'excuser. Il lui a dit la patience c'est au premier moment, ce n'est pas après. C'est ça sabr. Sabr, c'est pas la personne, elle est touchée par une épreuve et elle commence à se plaindre, elle commence à souffler comme on connaît. Et après seulement, moi je vais patienter. Non, le vrai sabr, c'est dès le début. Dès qu'il est touché, dès qu'il apprend une nouvelle, ne sort de sa bouche que kalam Allah jalla wa ala. Yaqulu subhanallah, Allahu akbar. Ou nas'Allah al-afwa wal-afiya, wa yad'u, yad'u, yad'u, yad'u. Et il fait beaucoup de dua. Hada huwa sabr. Quant à celui qui crie, qui s'énerve ou qui insulte dès le début, ça c'est pas de la patience. Et Youssouf alayhi salatu wassalam, malgré qu'il entende ça, il ne désespère pas, et il espère toujours qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui rendra ses deux fils, Youssouf alayhi salatu wassalam. Yaqub ne désespère pas, et il espère toujours que Youssouf alayhi salatu wassalam wa Benyamin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les ramène à lui. ثم قال إنه هو العليم الحكيم العليم الذي يعلم حالي lorsqu'il a dit Yaqub alayhi salatu wassalam هو العليم, il a parlé d'Allah تبارك وتعالى après avoir dit qu'il espérait qu'il revienne ses deux fils, il a dit qu'Allah هو العليم, Allah est le savant, c'est-à-dire qu'il connaît ma situation et ma circonstance, et الحكيم, il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a décrété le fait que ses deux fils ne soient plus à côté de lui, et il sait très bien qu'il y a un bien là-dedans. Dans tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété, il y a un bien là-dedans. Puis, du verset 84 au verset 86, selon le sens des versets, alors Yaqub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah ne les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. Il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Youssouf. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent alors, les fils de Yaqub, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises, ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ici, Yaqub alayhi salatu wassalam, il ressent cette tristesse. Jusqu'à ce, comme il est dit ici dans le Coran, que ses yeux soient blancs. C'est-à-dire blancs de... Ce blanc des yeux, quand on dit que les yeux le blanchissent, ça c'est avant de pleurer. Avant de pleurer. Et on sait qu'une fois qu'on a pleuré, les yeux sont rouges. Donc Yaqub alayhi salatu wassalam, il est pris ici d'une tristesse. Seulement, la plainte, Yaqub alayhi salatu wassalam, ne la donne qu'envers Allah tabaraka wa ta'ala. ولا إلى الناس هذا هو الموحد الموحد من يعبد الله جل وعلا بدون الشرك وحده لا شريك له quelqu'un qui vraiment il attend Allah تبارك وتعالى comme il se doit ne se plaint pas aux gens. La moindre tristesse qu'il a, la moindre rage qu'il a, la moindre fatigue ou quoi qu'il puisse avoir comme sentiment, et il en parle dans ses deux âmes. Il les mentionne auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah azza wa jal détient les cœurs. Il détient les cœurs entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Kayfa Allahu a'lam. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Comment Allah azza wa jal seul le sait? Rien ne ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on confirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Il met dans ses cœurs ce qu'il veut. Il met dans ses cœurs ce qu'il veut. Lorsque tu es triste, hein, lorsque tu es énervé, lorsque tu es mélancolique, comme ils disent, ud'u, demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Cette tristesse la remplacera par la joie. Hein, l'anxiété, le stress, il te le remplacera par as-sakina wa salam. Wala as-sakina wa as-salama illa bi dinillahi azza wa jalla. إلا بالعقيدة الصحيحة إلا بالتوحيد إلا بالتوكل على الله عز وجل Or, ce repos du cœur, tu ne peux l'atteindre que illa bil'ilm, que par la science. La confiance en Allah, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que par cette religion. Aujourd'hui, si tu regardes bien les gens, c'est ce qu'ils cherchent. At-tamkin fil qalb. Le repos du cœur. Voilà ce qu'ils cherchent. Tout le monde cherche ça. Al-muslimoun wa al-mushrikoun. Tout le monde cherche ce repos du cœur. Pas d'anxiété, être tranquille. Lakin illa bil'islam. Seul l'islam peut ramener ce repos du cœur. Les gens essayent tout. Ils essayent tout dans la dunya. Ils essayent ça, ils essayent ça, ils essayent ça, ils essayent ça. Et à chaque fois, ils se lassent. À chaque fois, ils se lassent des choses. Pourquoi ? Parce que la dunya, elle ne tient pas debout. Les gens se fatiguent pour acquérir la dunya. Fil hadith al-Qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne, et il parle à la dunya en lui disant, celui qui court pour ta voix, yani qui délaisse toute la religion, t'es devenu le but principal de sa vie, fatigue-le. Il l'aura, mais il va se fatiguer. Quant à celui qui ne te court pas après, alors viens à lui avec facilité. C'est-à-dire, il ne lui court pas après, c'est-à-dire que ce n'est pas sa chose primordiale. Lui, c'est d'abord la religion d'Allah, et toute sa dunya ne découle que de sa religion, et non pas l'axe. Le musulman, il gère sa vie de la dunya par rapport à sa religion, et non pas sa religion par rapport à sa vie dans la dunya. Elle est le centre de ses intentions. Ar-rizqu min Allah jalla wa ala. Man huwa ar-raziq? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la subsistance, c'est Allah azza wa jalla. Lakin bil asbab. Ahl sunnah wal jama'a, c'est le juste milieu. Donc si on dit que tatawakkul ala Allah azza wa jalla, oui, mais on dit bil asbab, il faut que tu fasses les causes. C'est pas parce que la dunya tu lui cours pas après que tu fais pas de cause. Quelqu'un qui veut travailler, il va falloir qu'il cherche du travail. Quelqu'un qui veut une chose, il va falloir qu'il fasse les causes. Il reste pas comme ça, il dit tatawakkul ala Allah. Là, Yusuf alayhi salatu wassalam, pour qu'il sorte du puits, Allah azza wa jalla a fait une cause. C'est qu'une caravane est passée et le chercheur d'eau l'a sorti du puits. Bissabab. Bissabab. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du petit oiseau, il y a confiance en Allah comme le petit oiseau. Il part le matin le ventre vide et il revient le ventre plein. Madakhal, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Il part. Ça veut dire, est-ce qu'il reste dans le nid? Et il attend que son rizq vienne? Là. Il part. Il part. Et donc il fait as-sabab. Il fait la cause. Yadhhab. Wa tadhhab. Donc tu te dois de te lever et d'y aller. Et non pas de rester comme ça en train de faire des du'as. Ya Allah, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et tu fais rien. At-tawakkul, na'am, lakin bil asbab. Mais en faisant des causes. Donc cette plainte, Yaqub alayhi salatu wa salam ne la mentionne qu'envers Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a personne d'autre. Mais je sais auprès d'Allah, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Verset 87 et 88. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent, Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille. Et nous venons avec marchandises sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous de la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Ici, on a ce passage où Allah tabaraka wa ta'ala mentionne l'espérance et de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Al-kafir wal-mushrik indou risq. Al-kafir wal-mushrik hatta ba'duhum yasub Allah azza wa jal wa yasub an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakin indou risq min Allah jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala, malgré que son serviteur ne croit même pas en lui, jusqu'à ce qu'il l'insulte ou qu'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne son risque. Il mange, il boit, il a des vêtements, il a une voiture, hein, il a son risque, il a des enfants, etc. etc. Kayf al-muslim? Al-mushrik wal-kafir indou ar-rahma min Allah azza wa jal. لأن هذا الرزق من رحمة الله عز وجل. Il a cette sorte de miséricorde qui lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il en est du musulman? Pourquoi est-ce qu'il désespère de la miséricorde d'Allah? Pourquoi est-ce qu'il va désespérer de la miséricorde d'Allah? Quel que soit ce que tu aies fait, ne désespère jamais de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arhamu rahimin, wa ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman bil ma'na 'am. للمسلم والمشرك الرحيم خص على المؤمنين يوم القيامة. Quand tu dis Ar-Rahman, c'est que sa miséricorde touche tout le monde, quelle que soit sa créature. Ar-Rahim, elle est spécifique pour les croyants le jour de la résurrection. لكن المسلم بين الخوف والرجاء. Il est entre la peur et l'espérance. Al-Muslim, il vit entre la peur et l'espérance. La peur du châtiment d'Allah et l'espérance qu'Allah Azza wa Jal va lui donner Al-Jannah. Et il a la peur de l'enfer. Wal-Iyadhu Billah. Wa qala an-Nabi alayhi salatu wassalam, fi al-hadith, le prophète sallam il dit, il n'y a pas un d'entre vous au moment où il va mourir sans qu'il pense le bien d'Allah. C'est-à-dire qu'il espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lorsque tu es durant ta vie, tu peux faire tawbah wal istighfar wal amal salih. Tu peux accomplir des bonnes œuvres pendant que tu es vivant. Tu peux accomplir des bonnes œuvres, tu peux faire tawbah, tu peux te repentir, demander le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lakin 'ind al-maut, tu ne peux rien faire. Au moment où tu vas mourir là, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que le prophète il a dit au moment où l'un d'entre vous il meurt, qu'il pense le bien d'Allah. La seule chose qui te reste à faire à ce moment-là, c'est d'espérer ar-rahma. Donc de penser le bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le musulman, c'est ça qu'il lui demandait. De toujours le penser le bien d'Allah. Il ne doit pas se dire à chaque fois, oui mais Allah Azza wa Jal il va m'abandonner, ou Allah Azza wa Jal il va me laisser, ou Allah Azza wa Jal il ne va pas me pardonner, ou Allah subhanahu wa ta'ala il ne viendra pas en aide, il est akhir. Là. Hada min al-shaytan. Min waswas al-shaytan. Al-muslim azim inda Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa yuhibbu al-muslim. يحب المسلم يحب المؤمنين الله عز وجل aime les croyants, il aime le musulman, il ne laissera pas comme ça. الله عز وجل va le laisser si lui il laisse la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme c'est mentionné, ils se sont oubliés eux-mêmes, Allah les a oubliés. يعني تركهم بالمعنى ترك. Dans le sens où Allah Azza wa Jal les a laissés, les a abandonnés. En s'oubliant eux-mêmes, ils ont oublié Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal les laisse. Quant à celui qui reste dans la religion d'Allah et qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, hein, celui qui fait un pas vers Allah, Allah Azza wa Jal court vers lui. Tayyib. Puis ils reviennent vers leur frère Youssouf alayhi salatu wassalam et ils lui demandent en plus, ils viennent avec pas beaucoup de marchandises, hein, comme vous le savez, ils faisaient les allers-retours, hein, de Palestine jusqu'en Égypte pour vendre, pour échanger quelques marchandises contre de la nourriture. Cette fois-ci, ils sont venus avec pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils disent à Youssouf alayhi salatu wassalam après, « Wa tasaddaq alayna, yani az-ziyada. » ce qu'on a échangé, tu nous le donnes, mais si tu peux nous rajouter en plus, pourquoi? Parce que ils n'avaient pas grand-chose à pouvoir donner à leur famille. Du verset 89 au verset 96, il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, est-ce que tu es Youssouf? Puis il dit, je suis Youssouf et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent alors, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique, voici, appliquez-la sur le visage de mon père, c'est-à-dire Yaqub alayhi salatu wassalam, il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière, leur père leur dit, je décèle certes l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Puis ils dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua la tunique sur le visage de Yaqub. Celui-ci retrouvera aussitôt la vue et il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas. قال يوسف عليه الصلاة والسلام إذ أنتم جاهلون. Ici يوسف عليه الصلاة والسلام a trouvé une excuse à ses frères pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Cette fois-ci, ils savent que c'est Youssouf, alayhi salatu wassalam. Mais Youssouf, malgré ça, seuls les prophètes et les gens dotés de science qui ont ces comportements qui découlent de leur science. Ils mentionnent comme excuse al-jahl, dans le sens où il faut vraiment être un ignorant pour avoir agi ainsi envers Allah tabaraka wa ta'ala et envers l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salatu wassalam. كذلك المعصية celui qui commet le péché il fait preuve certes d'ignorance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet un péché, ça se voit qu'il ne connaît pas envers qui la personne qui envers qui il a désobéi. Il n'a pas pris conscience de la grandeur de celui envers qui il a désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala rabbus samawati wal ard الذي خلق السماوات والأرض الذي خلقك وأرسل رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليهم الصلاة والسلام للخلق ومالك يوم الدين يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. Et on peut citer encore tous les noms, les attributs d'Allah جل وعلا. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait preuve de quoi? De jahl, d'ignorance, à coup sûr. Ceux qui commettent le moins de péchés sont ceux qui sont les plus savants. Ce sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِكِتَابِهِ وَبِسُنَّةِ نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم. أعلم من الناس في أحكام الله جل وعلا في أفعاله في أعماله وفي أحكامه وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. Donc si ceux qui craignent le plus Allah ce sont les savants, ils sont savants pourquoi? Parce que ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont les héritiers des prophètes alayhim salatu wassalam. Donc le contraire avec son contraire, l'axe ou bil'axe. Ceux qui connaissent le moins Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont le moins de science, ce sont ceux qui commettent le plus de péchés. Ziyadatul ilm, ziyadatul ta'a. Al-naqsu fil ilm, al-ma'siyah. Celui qui augmente en science, il va augmenter en obéissance d'Allah, il va commencer à délaisser les péchés. ولهذا أولا في الدعوة إلى الله جل وعلا توحيد الله سبحانه وتعالى معرفة الله عز وجل. Voilà pourquoi la première chose à laquelle on appelle, comme l'ont fait tous les prophètes, c'est la connaissance d'Allah. Plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, moins tu vas commettre de péchés. Plus tu restes ignorant, plus tu vas commettre des péchés. Comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'ignorance te fait ce que ton pire ennemi ne te fait pas. L'ignorance te fait ce que ton pire ennemi ne te fait pas. Donc il a trouvé pour eux id antum jahilun, hein, vous êtes des ignorants pour avoir fait ce que vous avez fait. قال انا يوسف وهذا اخي يعني بنيامين قد من الله علينا بالعلم والتقوى بالايمان والتقوى والتمكين في الدنيا. Moi je suis Youssouf et voici mon frère Benyamin. Et Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a donné une ni'ma, il nous a donné un bienfait. Qui est quoi? Qui est la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wattemkin fit dunya. Et le repos dans cette vie d'ici-bas. Attemkin fit dunya. Ce que tous les gens cherchent. لكن الكافر lui il n'espère pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il tourne en rond et n'arrive plus à supporter cette dunya hatta ba'dhum jusqu'à ce que certains d'entre eux se suicident wali'adhu billah. Al-muslim la, le musulman il ne passe pas, il n'arrive pas, il ne doit pas arriver à cette chose là. Pourquoi? Parce qu'il espère toujours la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est convaincu qu'il est sur Hayat al-Dunya, elle est comme un pont. Un pont, tu le traverses, d'un point à un point. Personne n'habite sur un pont. Ça, c'est jamais vu. Hayat al-Dunya, c'est comme ça. Tu es de passage. Personne ne peut nier que on va mourir. Personne. Tu peux interroger qui tu veux. Même celui qui ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala, il te dira, tout le monde y passe. Tout le monde. Donc on est tous de passage dans cette dunya. Certains peu de temps, certains un peu plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, on retourne à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Muslim, il est convaincu qu'il est de passage. Ce n'est pas sa demeure finale. Donc il ne laisse pas la dunya déborder, comme on dit, dans son cœur. Mais il reste accroché à cette religion et il patiente sur les épreuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. وَذَلِكَ بِسَبَابِ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى. Et tout ça, ils l'ont eu, Yaqub alayhi salatu wasalam wa Benyamin, بِسَبَابِ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى. À cause de la patience qu'ils ont eue et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَقُولِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرِ. طيب. Et là, ils ont reconnu leur faute. Wa in kunna la khati'in. Certes, nous sommes de ceux qui avons fait une erreur. Et ils ont reconnu tout de suite, puisqu'ils ont juré par Allah tabaraka wa ta'ala, qalu tallahi. Ils ont dit par Allah, tallahi. Il y a trois formes de jurer. Wallahi billahi wa tallahi. Tallahi, c'est par Allah. Ils jurent par Allah. Laqad atharaka Allahu alayna. Qu'Allah Azza wa Jal t'a élevé par rapport à nous. On s'est débarrassé de toi, subhanallah, on te retrouve supérieur à nous. Certes, Allah Azza wa Jal t'a élevé. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, la première chose par laquelle il a élevé Youssouf alayhi salatu wa salam, c'est al-ilm. Bil-ilm. Il lui a donné la science. Ilm al-tawhid. Ilm al-marifatillahi Azza wa Jal. Al-sabr. Wa al-taqwa. Il lui a donné la patience, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'interprétation des rêves. Mais Youssouf alayhi salatu wasalam, comme on l'a dit, il est parmi les prophètes d'Allah et parmi les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il leur dit bien, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Allah azza wa jal va vous pardonner, qu'Allah vous pardonne Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Le plus miséricordieux des miséricordieux. Quelqu'un qui n'a pas le niveau d'un prophète, ni d'un savant, ni de quelqu'un pieux, se serait vengé, même si c'était ses frères. On trouve des histoires où le frère a tué son frère par vengeance. Ou même qu'il tue son père par vengeance. Mais Yusuf, il est doté d'une chose que les autres n'ont pas. Il a ar-Rahma. Tous les prophètes ont Rahma envers leur peuple. Tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu cette Rahma envers sa Ummah. Hatta yom al-qiyama, al-shafa'a, lorsqu'il va intercéder, parce qu'il aura cette rahma, et Allah Azzawajal va lui donner, il aura cette rahma envers sa umma, jusqu'à ce qu'il arrive à un nombre, une partie de sa umma, où on lui dira qu'il n'y a pas d'intercession pour cela. Alors il dira, ummati, ummati, c'est ma communauté, c'est ma communauté. Pourquoi il dit ça? Bi rahma. Puis on informera, tu ne sais pas ce qu'ils ont ramené après toi. Yani min al-bidah. Tu ne sais pas ce qu'ils ont ramené après toi comme innovation, comme chose nouvelle. Qu'ils ont transformé la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'ils ont rajouté, qu'ils ont retiré ou qu'ils ont altéré. Mais chaque prophète a cette rahma. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit, selon le sens des versets, ne te soucie pas pour eux, tu n'es qu'un avertisseur. Il avait ce souci, chaque prophète là. Min sifat al-anbiya wa rasul, alayhim salatu wa salam. Et ici, Yaqub n'échappe pas à la règle que les prophètes ont cette miséricorde, et encore plus quand ce sont ses frères de sang. Puis ils sont revenus vers leur père et ils lui ont mis la tunique de Yusuf. Et il a senti cette odeur de Yusuf, de son fils, qu'il n'a jamais oublié, alayhi salat wa salam. Lorsqu'ils lui ont mis sur son visage, il a, on dit, retrouvé la vue, mais ici en vérité, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmallah, c'est pas une question qu'il ait perdu la vue, c'est que, comme on a dit, les yeux sont devenus blancs à cause de la tristesse et le chagrin. Hein? Donc là, il a retrouvé ses yeux normaux lorsqu'il a, hein, lorsqu'il a quoi? Il a senti l'odeur de Yusuf et donc il a cru que cette fois-ci, il était bien encore vivant. Et c'est pour ça que Yaqub alayhi salatu wa salam, min Allah jalla wa ala, l'aura bien mentionné. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. S'il espère encore voir Yusuf alayhi salatu wa salam dans cette dunya, c'est qu'il sait qu'il est encore vivant. On ne peut pas espérer de voir quelqu'un dans cette dunya si on sait qu'il est mort avec certitude. Alhamdulillah, elle a senti cette odeur de Yusuf qui lui prouve que Yusuf alayhi salatu wa salam est bel et bien vivant. Puis ils demandent à leur père de demander pardon pour leurs fautes et leurs erreurs. Thumma qal sawfa astaghfiru lakum rabbi. Il dit, je demanderai, saoufa, c'est-à-dire plus tard. Plus tard, saoufa. Sa astaghfirullah, ça veut dire je vais le faire, mais je vais le faire proche. Si tu dis saoufa astaghfirullah, je vais demander pardon à Allah, mais plus tard. Hein? Il a dit, je demanderai plus tard le pardon à mon Seigneur. Innahu wal ghafur rahim. Car il est celui qui pardonne et le miséricordieux. On dit qu'il a reculé la demande de pardon. C'est pour ça qu'il a écrit Saoufa Astaghfiru, la demande de pardon au dernier tiers de la nuit. Puisque là, quand il a vu ses frères, c'était la journée. Donc on dit qu'il a reculé cette demande de pardon dans le dernier tiers de la nuit pour être sûr qu'elle soit exaucée. Puisqu'on sait que dans le dernier tiers de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend et il demande, qui demande pardon pour que je l'exauce. Hein? Combien de gens se lèvent la nuit comme ça? Et ils ne font rien. Ni ils prient, ni ils font au minimum une dua. Si quelqu'un se lève au dernier tiers de la nuit et qui croit fermement à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas assez de foi pour se lever et prier, au minimum, qu'est-ce qu'il fera? Ad-du'a. Pourquoi? Parce qu'il regarde, on sait très bien que quand on se réveille en plein milieu de la nuit, on veut savoir quelle heure il est. Et on regarde l'heure. Tu verras que tu es dans le dernier tiers de la nuit, fais au moins une du'a. Du'a mustajab. Du'a mustajab. Voilà pourquoi Yaqub alayhi salatu wa sallam a reculé la demande du pardon jusqu'au dernier tiers de la nuit. Aqrabu lil ijaba. Parce que c'est plus proche de dans le fait que ce sera exaucé. Tayyib. Lorsqu'il s'introduit auprès de Youssouf, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui, prosternés. Il dit « Mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'avant. Allah l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. » Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient et le sage. Taïb. Donc là, et c'est bien la preuve que la mère de Youssouf est bien vivante, c'est que Yaqub, alayhi salatu wassalam, et sa femme, alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les frères sont présents avec eux-mêmes, avec leur famille. Hein, il a bien mentionné qu'ils reviennent avec leur famille, c'est-à-dire qu'il a réuni tout le monde. Ça, c'est la preuve qu'il est demandé à une famille de se réunir de temps en temps et de se voir régulièrement afin de discuter, de s'ordonner le bien, de s'interdire le mal, de rapprocher les liens familiales, afin qu'on ne tombe pas dans le piège de couper les liens familiaux. Hein, il est demandé dans les familles de se rencontrer, ne serait-ce qu'une fois par semaine, et de discuter, de parler, ou autre. Si on remarque bien ici, Youssouf, alayhi salatu wassalam, il mentionne Shaitan comme ayant été la cause d'avoir fait la séparation entre lui et ses frères. Hein, il n'a pas dit que Shaitan s'est joué de ses frères. Non, il a dit Shaitan s'est joué de moi et de mes frères. Bittawadu'a. Ça, il l'a dit par humilité. Il aurait pu mentionner que ses frères. Après tout, ce sont ses frères qui l'ont jeté. Lui, il n'a rien fait. Et il est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il s'est mentionné lui-même. Hein, il s'est mentionné lui-même. Pourquoi? Bittawadu. Juste par humilité. Tout simplement. Mais on sait qu'il n'a pas été sous l'emprise du piège de Shaitan, wa li'adhu billah. Nazar al-Shaytan bayni wa bayna ikhwati. Il s'est joué de moi, entre moi et mes frères. Tayyib. Puis Youssouf, alayhi salatu wassalam, mentionne, a mentionné, mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Fatir al-samawati wal-art, anta waliyi, waliyullahi azza wa jal. Al-wali, wallahu subhanahu wa ta'ala. L'allié, ici, il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il mentionne, tu es mon allié. Al-muslim wal-mu'min, le croyant, le musulman, il est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui est sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla est son allié. Allah subhanahu wa ta'ala est son allié. Toute personne qui accomplit les choses obligatoires, il devient l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin fil ard, bain al makhlouq, al wali, pour contredire ce que les gens appellent al wali, en parlant des hommes pieux, qui étaient vraiment connus pour leur piété, mais eux qui n'ont rien demandé ou bien des gens qui n'étaient pas pieux, mais les gens considèrent qu'ils étaient pieux. Et ils les prennent comme wali, jusqu'à les adorer dans leur tombe, en faisant des du'as envers eux, non plus envers Allah tabaraka wa ta'ala, mais en les invoquant eux, hein, en espérant d'eux, en les craignant eux. Et ils les appellent les wali. هذا من الشرك بالله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Tu n'as pas invoqué ces morts-là, quels qu'ils soient. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez pas un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. كل هذا من الشرك بالله عز وجل. الولي هو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى. L'allié c'est Allah subhanahu wa ta'ala. توفني مسلما ماذا قال يوسف توفني مسلما fait que je lorsque je mourrai je meurs مسلم مسلما الاستسلام لله عز وجل alors qu'il est un prophète d'Allah il demande quoi une bonne fin fais-moi mourir musulman كيف نحن qu'est-ce qu'il en est de nous où chacun croit qu'il est il sera sur le haq durant toute sa vie et jusqu'au bout. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien mentionné fait le hadith, vous faites des actions des gens du bien jusqu'à ce que vous vous retrouvez à une coudée du paradis. Puis le livre vous devance et vous allez en enfer. Pourquoi ? Parce que vous avez fini votre vie par une parole ou une action ou une croyance des gens de l'enfer. Donc, croire que tu es sauvé, c'est faux. Croire que tu finiras bien, c'est faux. Seul Allah Azza wa Jal le sait. Maintenant, comment finir bien ? Tout simplement en étant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala durant toute ta vie. C'est comme ça que tu finiras bien. Comment tu finiras mal ? En désobéissant Allah subhanahu wa ta'ala durant toute ta vie. Plus tu vas faire des efforts, plus tu vas grandir en foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus, bi'idhnillahi ta'ala, tu finiras dans le bien. Plus tu commets les péchés, plus tu délaisses la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il se peut que tu finisses dans le mal wali'adhu billah. Voilà pourquoi vous devez toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi les musulmans jusqu'à notre mort et demander toujours une bonne fin. Pour finir, Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah, bi'idhnillah. On finira, Inch'Allah, Sourate Yusuf. La semaine prochaine, Inch'Allah, sera l'avant-dernier cours, Inch'Allah, sur Sourate Yusuf. Et le dernier cours, Inch'Allah, sur Sourate Yusuf, ce sera les fawa'id, c'est-à-dire tous les enseignements que l'on retient de cette sourate. La Chir, il en a ramené quand même. Mais cette fois-ci, c'est hein, certains passages, qu'est-ce qu'il prouve aux musulmans, quelles leçons il a attirées et quels bienfaits il a attirés vraiment qui vont lui servir dans sa vie d'ici-bas par rapport à cette surah, surah Yusuf. Puisque le Coran, lil ahya, wa laysa lil amwat. Le Coran, il est pour les vivants. Surah Yusuf, elle est pour les vivants. Afin que tu lises, que tu comprennes et que tu appliques durant toute ta vie. Et non pas à lire sur un mort. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين والمتمسكين بالكتاب والسنة بفهم السلف الأمة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد